trop dangereux. Elle m'a dit je veux un homme, pas quelqu'un qui me rend malheureuse. Elle fait bugger mon téléphone, je remplace un déverdeille. Je crois qu'elle a pas compris, je suis là pour la monnaie. Elle veut se passer à bord, je me prends pour Tory Lanez. Faire un tour dans l'Audi, histoire me balader. Rien qu'elle marcelle à mort. Je suis dans le centre et sur la sellette. Elle me dit va pas là-bas, c'est pour ton bien, faut pas qu'on se perde. Non. Je sors du bon char, je reçois le message mignon. Journée de merde, faut je rejoins Cendrillon. Je la kiffe au bad, mais je dois péter le million. Des milliers, des millions. Elle m'a dit je veux un homme, pas quelqu'un qui me rend malheureuse. Elle fait bugger mon téléphone, je crois que là ça devient sérieux. Elle veut que je fasse un choix de vie, soit on fait nos vies tous les deux, soit je t'ai la route avec mes potes. Madame est bien trop dangereuse. Je n'ai que pied dans la street, m'en veux pas en brie. Tu sais, moi la vie, elle m'a jamais dit merci. J'oublie jamais qu'un avis. Si je deviens ton mari, deux fois garantie, Anas Illuminati. Je l'ai deux pieds dans la street, m'en veux pas en brie. Tu sais, moi la vie, elle m'a jamais dit merci. J'oublie jamais qu'un avis. Si je deviens ton mari, deux fois garantie, Anas Illuminati. Pas quelqu'un qui me rend malheureuse. Elle fait bugger mon téléphone, je crois que là ça devient sérieux. Elle veut que je fasse un choix de vie.